Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Diololi, 34 ans, qui réside à La Haye-les-Roses et qui est éducatrice spécialisée. Bonjour Diololi. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, merci. J'ai le plaisir et la joie de te recevoir, donc ça va même très bien. Tu habites à La Haye-les-Roses, donc je vais te poser la question que je pose d'habitude aux gens que je reçois. Comment s'appellent les habitants de cette ville ? Est-ce que tu le sais ? Alors, aucune idée. Je suis toute nouvelle là-bas, donc je ne sais pas encore. C'est pas grave, chers auditeurs, vous nous direz en commentaire si vous le savez. Je pense le savoir, mais je ne suis pas sûre, alors je vais m'abstenir. Donc tu es moi toute aussi. Nouvelle. Tu viens de déménager alors. Exactement. Oh, peut-être que ton bonheur réside là-dedans, on va bientôt le savoir. Alors tu es éducatrice spécialisée. Je ne vais pas te demander en quoi consiste ce métier, parce qu'on en a reçu tellement dans l'émission que, chers auditeurs, vous irez écouter. Alors on va plutôt parler directement de ton bonheur. Mon bonheur. L'un de tes multiples bonheurs que tu as eu au cours de ta vie. L'un de mes multiples bonheurs de cette année 2024, mm-hmm. C'est mon glow-up. Ton glow-up. Ouais. Il y en a qui sont pas anglophones sur la chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est mon évolution personnelle, ma façon de m'être ouvert au monde et d'avoir changé d'œil. Waouh, alors là ça, c'est très poétique et philosophique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Si tu dis que tu as glow up, c'est que tu es parti d'un certain stade et que tu es arrivé à un autre. Alors même sans tout dévoiler, parce qu'il faut garder une part d'intimité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est le fait de comment te dire, d'avoir vu que ma personne comptait en fait et de faire les choses pour moi. Et à partir de ce moment-là, bah, toutes les portes se sont ouvertes pour moi. Waouh! Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as des enfants en fait, je ne t'ai pas demandé. Oui, j'en ai deux. Tu as deux enfants, donc tu es maman. Donc ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que peut-être auparavant, tu vivais pour les autres, tu me dis si je me trompe, mais que tu donnais beaucoup aux autres. Exactement. Au risque de t'oublier. Exactement. Et est-ce qu'il y a eu un déclic à ce changement ou, Un ras-le-bol. Un ras-le-bol? Ouais, un ras-le-bol. Et c'est un ras-le-bol que tu as ressenti physiquement, psychologiquement, c'était un tout. C'était une impression d'étouffer peut-être ? J'ai été malade toute la fin d'année 2023, c'est des maladies chroniques, la respiration, l'eczéma, il y a tout qui m'est arrivé et en fait je pense que mon corps il était en train de me dire qu'il n'en pouvait plus en fait et qu'il fallait que je change. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que le corps parle. En plus, tu dis la respiration, bah, on étouffe dans sa vie, la peau, on ne supporte plus rien, plus le contact de tout ce qui nous entoure. C'est une chose de se rendre compte qu'on n'en peut plus, mais comment est-ce qu'on fait le pas de poser des actes et de se dire, bon, il faut que ça change, après, ça va changer. Tout dépend de la personne que tu aimes, mais moi, il a fallu que j'en discute un peu avec une personne et qu'elle m'ouvre un peu les yeux sur le fait que j'avais vraiment les yeux fermés en fait et que je vivais ma vie pour la vivre sans vraiment me poser de questions. Et à partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, bah, j'ai changé plein de choses. Et vraiment, hein, toutes mes portes elles sont ouvertes. Tout ce que j'entreprends à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ça fonctionne en fait. Il y a eu comme un effet domino, c'est génial ça. Exactement. Et en quoi tu dirais que ça a été un bonheur et que ça l'est toujours, concrètement ? Tu te sens... Je me sens beaucoup mieux. Je me sens légère, je me sens prête à tout péter et à pouvoir avancer sans aucun poids sur le dos. Waouh, ça c'est du bonheur. Donc est-ce qu'une des clés du bonheur, puisqu'on l'explore à travers plusieurs épisodes, ce serait aussi de penser à soi, exactement. De s'aimer, de s'apprécier et de compter. C'est très important. Oui. Il faut être sa priorité. Mais du coup... Est-ce que tu as eu peur, parce que ça demande du courage quand même de sauter le pas, de changer complètement, pas qui on est, mais de changer son mode de fonctionnement. Est-ce que tu as eu peur du regard de ton entourage, du qu'en dira-t-on ? Pas du tout. Pas du tout ? Vraiment, là, c'était... Non, c'était ma décision, c'était que moi. Après, j'en ai eu des reproches. On m'a sermonné, on m'a parlé, on m'a dit que c'était pas comme ça, qu'il fallait que je réfléchisse, mais moi, ma décision était déjà prise. Et je pense que la décision était prise depuis longtemps, mm-hmm. mais en fait, que j'osais pas passer le cap. Et quand je l'ai fait, bah... Waouh. C'est super inspirant ce que tu dis, parce qu'il est vrai qu'il y a des personnes, souvent, qui sont enfermées dans une situation, que ce soit au travail, dans la famille... dans un système en fait déjà dont on se rend pas forcément compte. Toi, voilà, il a fallu qu'il y ait ces signes d'alerte de ton corps qui te fassent ouh, ça va pas, on va pas y arriver. Et des fois, il faut s'en rendre compte, mais après, comme on le disait, il faut avoir le courage de sauter le pas. Et déjà bravo pour ça. Merci. Et merci de partager ça parce que peut-être que ça allumera une étincelle chez les gens qui nous écouteront. Encore une fois, c'est pas être égoïste, c'est se dire et moi dans tout ça, parce que c'est pas prôner le chacun pour soi et il y a que moi qui compte. Surtout que tu as des enfants, donc je suppose que tu t'occupes d'eux et très bien, mais que pour être bien aussi avec les autres, il faut être bien avec soi-même et c'est le choix que tu as fait. Exactement. Et d'ailleurs, si vous étiez devant moi, elle a les yeux qui pétillent, un sourire lumineux. Tu sais, c'est quoi le pire? Le pire dans tout ça, c'est que ces situations-là, elles sont arrivées à mes proches. Et je ne supportais pas pour mes proches, mais je le supportais pour moi. Tu faisais tellement preuve d'empathie que la situation dans laquelle toi-même tu étais, tu y restais, mais toi, tu ne le supportais pas pour les autres. C'est fou. Hein. C'est fou. Et maintenant, mais ce qui est bien, c'est que je trouve qu'en étant sortie, tu pourras encore mieux conseiller peut-être les personnes et leur donner le courage et la force. Exactement. Mais bon, après, maintenant, c'est un peu chacun pour soi. Du coup, ça y est, je pense que j'ai assez donné et que je m'éloigne un peu de peut-être tout ça, en fait, de toujours vouloir aider les autres, parce qu'on se rend compte que mon cœur, personne n'aura jamais le même cœur que moi. Mmh. C'est-à-dire que tout ce que je peux donner pour eux, ok, on s'aime et tout, mais ils pourront jamais me le rendre avec la même intensité, même si c'est pas ce que je recherche au fond. Mais voilà, je préfère quand même prendre du temps pour moi, on n'a qu'une vie. Hein, Exactement. Mais je serai toujours là pour eux, mais on n'a qu'une vie, et voilà, je pense beaucoup plus à moi. Exactement. En tout cas, je te remercie pour ce partage qui fait réfléchir, je trouve, qui donne aussi de l'espoir. C'est pas parce qu'on est enclavé, enfermé dans une situation dans laquelle on pense ne jamais sortir qu'on ne pourra pas en sortir. En se donnant les moyens, on peut y arriver, et même plus au-delà de nos espérances, puisque tu nous disais ça a ouvert plein d'autres portes. Voilà, glow up, comme tu disais. Exactement. Oui, ça donne à réfléchir sur ce qu'on peut faire, ce qu'on pense être capable de faire, et finalement, ce qu'on est capable de faire, parce que des fois, il y a un gap entre les deux, et je te remercie pour ça. En tout cas, tu n'hésites pas à revenir si tu as un autre bonheur à nous conter. Ce sera avec plaisir que je te recevrai encore. Et d'ici là, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta famille, merci, de ta nouvelle vie qui, je l'espère, s'ouvrira encore plus et brillera encore plus, tel ton beau sourire. Et je te dis à très vite. À très vite. Bye. Bye. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur.